lâché à Toulouse. Gilets jaunes, allez, votre premier tir. Je couvre tes arrières, tu couvres les miens. Je couvre tes arrières, tu couvres les miens. Pas de marche arrière. Aouh, aouh. Ouais. 10 fois debout, 9 à terre, c'est la guerre. J'ai trop de choses à dire pour me taire. J'ai des blatères et ces people qui parlent des quelques-uns qui sont chauds, qui cassent sans même soutenir ceux qui crèvent la bouche ouverte. Ces choses qui se passent, les politiques se taisent. Les grosses firmes ont peur. Le samedi, y'a de la fumée épaisse au-dessus de mon secteur. Y'a mon son dans le lecteur, au cœur de la manif. Un bon entendeur, on veut voir le calife. Pourquoi tu nous parles pas? Pourquoi tu descends pas? On est des millions à vivre avec 1200 balles. Et j'aimerais dire à monsieur Macron que quand il prend des décisions, il pourrait venir nous poser la question. Quand il s'agit des bombardements, mais bon, y'a un temps pour tout, j'y reviendrai, ouais. C'est pas le bon moment, j'ai trop de choses à dire et à faire. Je suis le fil conducteur d'une jeunesse qui s'éclaire. Trop de choses m'inspirent pour me taire, est-ce bien clair? Millions de vues, 24 heures en indé, j'en suis fier. Des diplômes, j'en ai pas, mais j'intrigue les médias. Je ramène les violences policières au cœur des débats. Et au cas où tu étais pas, je vais te montrer tout ce qui se passe. Si les bleus viennent juste pour tirer sur nous, autant qu'ils se cassent. Ils voudraient qu'on leur tende la patte, qu'on s'envoie du whiskas. Gilets jaunes, c'est ta dernière porte de sortie, c'est ton brise-glace. C'est soit sauf qui peut, chacun dans son coin. Sachant que l'humanité se vend pas sur le bon coin. Soit dès demain, on se bat main dans la main. Pour nous, nos voisins, nos parents, nos bambins. De Lille à la Corse, la France bombe le torse. Je suis prêt à sortir un son par semaine si ça donne la force. Ils aimeraient nous voir tout casser pour pouvoir tout gazer. Je passe des messages, y'a des combats dans mon phrasé. Qui que vous soyez, on est tous frères et sœurs. On fait du social, mais on est tous bloqués dans l'ascenseur. Le combat continue, on va pas plier. Y'a eu des morts dans nos rues et on pourra pas les oublier. Donc je marque un temps de silence pour eux. On pense à leur famille, soyez courageux. Je veille sur les uns les autres et sur mes compères. Donc le samedi, je suis le gardien de mon frère. Je suis à fond dans le mouvement, je pense même pas à ma carrière. Je garde tes arrières, tu gardes les miens. Pas de marche arrière, ben ouais, tu sais quoi. Y'a beaucoup de choses qui me foutent le blues. Et quand je vois quelqu'un tomber devant moi, j'ai les yeux rouges. Que ce soit un jeune, une mamie ou un pépé, je suis à deux doigts de vomir dans ce nuage de fumée épais, ouais. Ils tentent de nous nasser comme dans une épuisette. Ils nous courent après en criant et tirent des gars sur les poussettes. Monsieur Macron, on a bien compris que tout ça t'atteindra pas. Mais ce que toi t'as pas compris, c'est que le mouvement s'éteindra pas. On sent bien que c'est la révolution, que votre temps est révolu. Vu qu'à l'époque les manifestations, ça courait pas les rues.